que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Chef de ma foi, quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Sois